Je me sens comme décembre. Pardon? Descendre? Vous descendez vers où? Moi, c'est la 4e avenue, tout près de Sequoia Real, 305, 405 3e avenue, oui. Je me suis trompé avec mon ancienne adresse. Oui. Pas mon... Non, c'était mon adresse de travail avant, dans ma première vie. Oui. Le champ en a sept. Moi, j'en ai trois. Oui. Et puis, c'était quoi la phrase? Ah oui. Alors, mon ouverture est la suivante. Ce n'est pas l'éclair. L'ouverture, l'éclair. Non, c'est pas ouverture, l'éclair. C'est ouverture, éclair. Ah, oh, mon Seigneur. Toi, t'es pas l'éclair. Oui, au chocolat. Ah, oh, mon Dieu, mon préféré. À costarde ou à crème blanche? Ah, oh, ça, c'est une bonne question. Costarde ou crème blanche? Les deux. Mais là, si j'ai le choix, disons, là, c'est mon dernier dessert. Est-ce que je prendrais costarde ou crème blanche? Il y a la crème pâtissière aussi. Je ne sais pas, est-ce que la crème blanche et la crème pâtissière, c'est la même chose, madame? Vous ne savez pas? Vous êtes embêtée. Ah, hein? Oh, mon, regardez-moi le gros. Elle, quand elle réfléchit, elle a le nerf du milieu, en plein milieu du front, là, le nerf, il grossit. On dirait qu'elle sent coagule et reste là. C'est une réflexion intense. Ça fait peur. Je commence avec mon ouverture. Je me sens comme décembre en été. Oh, aujourd'hui, le lundi 5 décembre 2022, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kéké. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus. Même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue, je veux être utile à vivre et à rêver. La la la la la. Monsieur, ça s'arrête ici. Oui, parce que j'étais en transe, comme d'habitude, parce qu'avec cette chanson Utile, ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est extrait de l'album de Julien Clerc, Utile. Êtes-vous utile dans la vie? Êtes-vous utile pour un autre? Êtes-vous utile pour vous-même? Et si je suis utile, Je suis sans doute une ustensile. L'ustensile la plus pratique, c'est-à-dire la cuillère. Parce que lorsque je dors avec ma conjointe, c'est moi, Raymond. Oui, j'ai un mal. Oui, c'est parce que j'ai crié. Hein. J'ai une voix un peu haute. On dirait une demoiselle de Cherbourg. Mais moi, c'est une demoiselle de Charlebourg. Oh, la connais-tu? Ben, c'est une comédie musicale, là. Oui, des années 60. Ben oui. Par Jacques Demy. Ben voyons donc, toi, Parapluie de Charlebourg. Ça, c'est un clin d'œil au Parapluie de Charlebourg. Vous êtes mêlés, là? Parapluie, quand il pleut, parapluie sous la pluie, là. Toute la pluie tombe sur moi, parapluie de Cherbourg. Et moi, je fais comme si je ne la sentais pas. La ptalito, là, là, toute la pluie tombe sur moi, et boulouba. Parapluie de Cherbourg, rapidement comme ça, je vous le dis, c'est en 1964. Moi, j'étais pas au monde, moi. Hey, on te demande pas si t'étais au monde. On te demande même pas maintenant si t'étais au monde. On a un doute que t'as jamais été mis sur Terre. T'es une étoile filante, oui. T'sais, y a des astrologues qui sont là un peu vaporeux. Ah, oh, toi, tu es astral. Toi, tu es un peu timbré. Moi, je suis un timbre. Un timbre mal léché. Tu sais, je glisse tout le temps en bas de l'enveloppe. Puis là, j'arrive jamais à destination parce que je suis pas là, tu sais, je suis pauvre. Y a pas de preuve que les gens ont payé pour m'envoyer. Et là, je parle au nom de l'enveloppe, moi, là. Quand tu es un timbre, tu prends la responsabilité de l'enveloppe. Dépendant de la couleur. Même pas. C'est même pas une question de couleur, là. Non, vite de même, c'est pas une question de couleur. Ça peut être une enveloppe jaune, une enveloppe blanche, une enveloppe brune, une enveloppe multicolore. Ce qu'il faut, c'est que c'est une question de papier. Ben oui, quand c'est ciré, c'est bien beau mettre un timbre, là, léché ou collé, parce que quand c'est léché, c'est pas collé, hein. Quoi que tu vas me dire, je lèche pour coller, oui. Mais tu peux avoir un timbre autocollant. Comme mon ancienne épouse. Ah, oh, elle était autocollante. Oh, quand je l'ai rencontrée la première fois, c'était dans une petite soirée de hula, hula, hula hop. Connaissez-vous ça, le hula, hula, hula hop? C'était pas à Cherbourg, ça, là, ni à Charlebourg, ça. C'était à Québec-Limoilou. Une soirée dans un sol d'église que je nommerai pas, parce que je suis fidèle à Saint. Saint-Fidèle, l'église Saint-Fidèle, on vient de le dire, oh, on espère, oh, c'est merveilleux, hein? Ni le monde ne comprenait rien, il n'y a plus personne, là. Mais bon, madame, nettoyez pas vos lunettes, c'est pas un problème oculaire, c'est un problème sonore, pour ne pas dire radiophonique, mais c'est pas la faute de CKRL, c'est la faute du réanimateur, on le trouve pas, Renal Gagné, où est-il? Il se cache tout le temps, il se sauve de sa mission première et de vous divertir, il est pas capable de divertir, lui. Lui-même est un anti-divertisseur, il est même pas capable de se faire rire, quoique, comme tous les imbéciles heureux, ça lui arrive de s'esclaffer et de s'exclamer « Je suis le bout en train ». Mais là, le bout en train, quel bout en train, hein, bout, on sait pas le bout. On lui fait pas, mais ce gars-là fait pas de saut, là. Tu lui fais bout, puis il dit tout le temps, rapidement, comme ça, tu sais, comme un cheveu sur la soupe. Et tout le monde... Non, c'est pas ça, c'est le cheveu, mais sur la langue, c'est pas sur la soupe. Tu la vois sur la soupe, tu la lapes parce que tu prends la cuillère avec le cheveu et tu bois tout ça et bien sûr, tu incorpores dans ta bouche ce cheveu maudit. Ce cheveu qui te fera passer pour la première fois, parce que là, tu as une première rencontre devant une demoiselle. Là, la gêne de ta vie, c'est de mal passer, là. Parce que tu sais très bien que la première impression est difficilement reprenable. Tu sais, quand tu loupes ça, c'est dur de te refaire une autre façade aux yeux de la personne qui t'a vu pour la première fois. Ah oui, ah oui. Un samedi soir à Saint-Dillon, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit, on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon au salon des partenaires. Puis là, la soirée commence, c'était vers 7h30. Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Marianne a sa belle robe et puis Roland a ses yeux bleus. Yvonne a mis ses souliers blancs, son décolleté. Puis c'est beau quand ça aime à faire les choses en grand. Ça vient d'arriver du couvent. Y'a aussi Jean-Marie, mon cousin puis mon ami, Camille sa belle habille avec ses petits souliers vernis. Le commis, comme on était comme un commis voyageur. Quand on danse à Saint-Dillon, c'est pas pour les embrassages, c'est horrible puis ça va vite, il faut pas passer des pas. Il faut bien suivre le violon si vous voulez pas être sage. Aussi bien partir tout de suite, y'a ni temps ni place pour ça. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. Petit Paul vient d'arriver avec Thérèse à ses côtés. Ça va passer la soirée à faire semblant de s'amuser. Mais ça s'ennuie Jean-Louis, son amour. Son ami qui est parti gagner sa vie de bordelée dans ce côté. Il est parti à bout samedi quand même, on dit mal fait ça. On danse toute la soirée, le brin de bidon blancheuse. Puis le combo dans la cage, et puis nous l'avons passé minuit. C'est Charlie qui a tout brûlé, il a perdu son amoureuse. Il s'est fait mettre au braquage, pas ma femme plus beau que lui. Un dernier tour de la chaîne des dames avant de partir, on m'a serré la main plus fort. On m'a regardé que j'ai perdu le podium, on sera pas allé. Puis Ritchie, ben Ritchie, c'est pas un petit salut pressé, tout frère, j'avais jamais viré comme ça. Meuf là, tout étourdi, mon amour et mon ami, c'est ici qu'il s'est mis à la tournée comme une toupie. Elle a compris, puis elle a dit, les mardis, puis les jeudis, ça prétit ton bonheur. Quand un petit cousin dit non, on prend ça qu'on s'apprend une fille. Il a fait des risques si vite qu'il ne peut plus s'arrêter. Pour un petit air de violon, elle vendrait toute sa famille. Elle pensait que samedi en 8, il pourrait peut-être la réinviter. Oh ta capine, puis swing la mandoline. Puis oh ton jupon, puis swing la madeleine. Swing la forme, dans une corde. Et puis fais-y voir que t'es pas mort. Ah oui, moi qui est Rénal Lagaffe, oui, je suis ici, là, je viens d'apparaître. Je sais qu'on crie après moi, là, mes coquilles. On dit, excusez-moi, je me suis remonté à manche, j'avais un petit frisson au niveau de l'avant-bras, pour ne pas dire le coude. Oui, moi j'ai le coude. Ah oui, le bon, les mauvaises dents. On lève quoi? On lève la mouche. La mouche à feu, ou la mouche à choum, elle éternue sa mouche-là. On sait pas comment ça que ces mouches-là sont aussi fragiles. On dirait des coccinelles. Avez-vous ça, des petites coccinelles? Ça veut ressembler à des mouches. C'est toute beauté visuellement, contrairement à la mouche. La mouche, c'est insignifiant, cette affaire-là, ça va... Elle veut se prendre pour un hélicoptère dans le film Apocalypse Now. Oui. Ça fait pas de bruit, faut t'approcher avec des micros gigantesques. Ou bien sûr ceux d'Errance Rénaldienne, parce que quand même, nous avons des effets sonores extraordinaires à cette émission. Lorsque nous partons à l'aventure en Europe, on n'a pas peur d'amener tout ce qui peut offrir aux gens une intensité sonore des plus explosives. Hein? On est Dolby Surround Digital, c'est, ouais, donc, comment t'appelles ça? C'est numérique. Ben oui, numérique, ça, on n'a pas à le dire. On n'est pas analogique. Rénal n'est pas analogique. Ah non, Rénal n'est pas analogique. Ah non, non, sa logique est numérique, lui. Ah ben oui. C'est pour ça que quand tu regardes un film numérique, tu vois que ça fait comme des pixels qui font... Errance Rénaldienne, comme c'est sonore, quand tu entends des c'est des voitures qui passent ou des motos ou des gens qui s'engueulent. Ah ouais, ouais, ça arrive en pleine discussion, c'est pas moi qui engueule l'artiste ou c'est pas l'artiste qui m'engueule. C'est autour de nous. Tout tourne autour de nous, comme dit la chanson dans les barrières. Que cherchons-nous? La terre tournera sans nous. Parce que tourner. Puis il y a Léo Ferré qui dit « Elle tourne et s'appelle la terre. Elle tourne et se fout bien de la misère. Elle tourne une chavage chimérique. Elle tourne et on appelle ça la musique. » Avez-vous mal au cœur? Ça donne mal au cœur, ces petites affaires-là, hein? Ça, là, ça n'a rien à voir avec les montagnes russes. Les montagnes russes, c'est rien à côté de l'écho. Sans Juliette Gréco, hein? Et surtout, ça je la fais souvent, sans Gilbert l'écho. Elle tourne et s'appelle la terre. J'ai une petite montée. Elle tourne et souffre bien de la misère. Elle tourne une chavage. Ça va. On l'appelle enfin. Oh yeah. On l'appelle. Errance canadienne, c'est une mission anarchiste, on l'a oublié. C'est bien de remettre ça au diapason sonore. Ça fait peur, hein? Et moi, j'ai tellement peur quand j'écoute cette émission-là que je sais pas si je vais rester assis parce que j'ai des écouteurs. Parce que c'est tellement bon quand t'écoutes ça avec des écouteurs. Ah, ça tombe de partout. Quand elle est partie en ville, la trop belle Laure Lou. Quand elle est partie en ville, Gros-Pierre est resté chez nous. Il est passé des semaines, du mauvais temps, du temps doux. Il est passé des semaines, à perdre le goût de tout. Tiddly-dum, tiddly-dum, tiddly-loo. Tiddly-dum, tiddly-dum, dum-o-li-doo. Il a reçu une lettre, c'est la belle Laure Lou. Il a reçu une lettre qui n'en disait pas beaucoup. Il l'a dit à Charles-Émile, il passait ses nuits debout. Gros-Pierre est parti en ville un soir entre chien et loup. Tiddly-dé, tiddly-dé, tiddly-dé, tiddly-dé, tiddly-dé, tiddly-dé. Quand il eut marché des milles, quand il eut cherché partout, quand il lui payait la ville, est revenu sans le sou. C'est pour quand les fiançailles, c'est y en vélo chez nous. Quand tout le village raille, Gros-Pierre attend Laure Lou. Adlidi, Adlidi. Grande visite au village, c'est la belle Laure Lou qui traverse le village au bras d'un amant jaloux. Ils ont retrouvé Gros-Pierre dans le chemin des cailloux. en réciter les prières, n'attendra plus leur loup. Non, t'es là, t'es loup, non, non, t'es l'idée, t'es là, femme ou l'idou. Elle est repartie en ville et n'en a rien su du tout. S'en est repartie en ville, on n'en parle plus chez nous. Est morte seule un novembre, adieu belle Loreloo. On a trouvé dans sa chambre une lettre et des bijoux. Elle dit, Tilda, Tilda, Tilda, Tilda, Damoulidou. Tout était pour le gros Pierre, mille fois pardon pour tout. Et c'est la sœur à gros Pierre qui portera les bijoux. Hier elle est partie en ville, un collier de perles au cou. Hier elle est partie en ville, on aurait dit leur loup. On aurait dit malheureux loup. Puis tu te rends compte que hein, la Terre tourne, CKRL tourne, Errance Canadienne tourne, tout le monde tourne, tout le monde danse et tout le monde chante, tout le monde ding tout ding dong, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Couleur café, que j'aime ta couleur café, mais pas à cette heure-là, là. Et pas à cette heure-là. Non, non, c'est la tisane, mais avec Charlotte, c'est tout. J'aimerais vous présenter les musiciens. Vas-y, ma belle Charlotte, je t'écoute. À la basse, c'est Brown. M'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Ça me fait plaisir de participer à ton spectacle. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Mais ça finit aussi raide que ça commence. Hein? Hey, savez-vous que, juste pour annoncer la petite chanson, parce que je vais faire une introduction très courte, parce que j'ai le goût de vous faire entendre une autre mélodie, mais beaucoup plus grave. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que Charlotte Gainsbourg reprend une chanson de Serge Gainsbourg, Couleur Café. C'est génial. Et c'est touchant en même temps, sans l'être vraiment parce que c'est très festif comme mélodie. Mais c'est un bel hommage qu'elle rend à son papa, même s'il n'a pas toujours été très très bien pour elle. Dans Charlotte Forever, il était un acteur, un réalisateur et puis c'est ça. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Si vous voulez en savoir davantage, allez faire des recherches. Bon, non, parce que il y a le yin et le yang. Nous sommes bien, nous sommes aussi démoniaques. Et puis, c'est à peu près ça. Jacques Brel. On dirait que cet homme-là a vécu 80 ans. Mais il n'en est rien. Il a vécu 49 ans. Il a fait des chansons extraordinaires et plusieurs, dont « Ne me quitte pas », a été traduite en anglais, entre autres, mais dans plusieurs langues, mais en anglais. On les nommera pas, puisqu'il y en a des tollés, puis on pourra en oublier. Mais dans les années 60-70, il y a Frank Sinatra et une dame qui, à une certaine époque, personnifiait un rôle dans Batman, c'est la femme chat. Artakit qui nous chante la version anglaise de Ne me quitte pas. Écoutez ça, c'est un cadeau de Rénal Gagné, d'Errance Rénaldienne et de CKRL. Montez le volume. If you go away on the summer day, then you might as well take the sun away and the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high and the days were long and the nights were young and the moon stood still for the night birds' song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll buy you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, I'll understand, leave just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away. if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again, if you ever do. For what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello, if you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll buy you a day, like a note has been, oh, we'll be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away. To trust just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your shadow if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if you go away, please don't go away. C'est terminé. Eh, fauche-toi pas de même, toi. Tes mains soupe aux lettres. Non, moi, je suis soupe aux légumes, mais j'aime pas les légumes. J'aime pas les légumes, j'en côtoie trop dans mon existence, là. Je serais plutôt, moi, soupe au poids. Ah oui, ah oui, tant qu'à faire pétant. Hein? Allons-y donc, à l'unisson. Un spectacle, ça serait beaucoup mieux d'offrir, quoi que Gainsbourg l'a fait dans un album, une chanson d'un album. Mauvaise nouvelle des étoiles, c'est Evgeny Sokolov. Et la connaissez-vous, Evgeny Sokolov? C'est instrumental, mais avec des effets sonores. C'est comme l'hymne national de la soupe aux choux. Thank you. Je ne l'ai pas sous la main, ni sous les pieds, ni sous la langue. Elle est dans ma discothèque, ici à côté de moi, mais là, il faudrait que je me lève. Je n'ai pas un téléphone sans fil, je n'ai pas de micro sans fil, je ne suis pas sans fil, ni Bluetooth. Moi, je ne suis pas Bluetooth. Ah, mon Dieu, ils m'ont demandé, hein? Ah oui, là, tu sais, les gens qui sont nés dans les années 60, plus tard, là, on nous a offert, on peut vous opérer, M. Grenier. Êtes-vous certain? Oui, oui. Monsieur Grenier, on peut vous opérer. Non, mais êtes-vous certain? Oui, oui, on peut vous opérer. Non, mais êtes-vous certain que c'est Grenier? Ben là, on va regarder nos fiches, là. On va demander au Poisson Rouge. Poisson Rouge! Poisson... C'est Poisson Mort. Poisson Mort! La connais-tu? Hein? Poisson Mort! Non, il n'y a pas de référence. C'est pas grave. Mais non, non, moi, c'est pas Grenier, c'est Gagné. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que vous avez gagné avec ça? Pas grand-chose, mais au moins... Au moins, le fait de l'écrire. G.A., j'ai une carte aiguë. Mais j'ai majuscule. Hein? Oui, mais j'ai les majuscules en avant des noms, c'est normal. Lâchez-moi la normalité, vous. Lâchez-moi la normalité. Pourquoi toujours jouer là-dessus? Non, mais c'est bien. Quand tu sors à l'extérieur, il faut avoir l'air normal. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, il faut avoir l'air normal. Quand tu es dans un milieu solennel, il faut avoir l'air normal. Mais à quel endroit peut-on avoir l'air nous-mêmes? Ben, quand tu es toi-même, tu n'es pas normal. Exactement! Exactement! Tu sais, lâcher son fou, lâcher tout. Mais c'est parce que c'est des décorums, hein? Dans le décorum, il y a beaucoup de. C'est très solennel. J'ai rien contre ce qui est solennel, là, t'sais, le marché nuptial, le marché rénal. Avez-vous entendu ça, le marché rénal? Ah, mon Dieu Seigneur! Ça, là, ça demande au moins 350 musiciens et puis surtout une dizaine de joueurs de cornemuses. Histoire d'enterrer, de faire saigner des tympans, de faire rire les demoiselles, de faire pleurer les messieurs et puis de faire tourner les jupes, parce que les jupes des Écossais. Je sais pas si les Écossais ont-elles le droit d'avoir des jupes dans ce milieu-là, là, tu sais, folklorique, là. Pas vu ça, moi, là, beaucoup, là, quand je regarde des documentaires sur l'Écosse. Ah, moi, je suis un fervent amateur de documentaires, et surtout sur l'Écosse. L'Écosse, pas l'Écorce, parce que l'Écorce, je m'intéresse à une sorte d'Écorce. Une sorte de peau d'arbre, hein, lors de s'en sortir, c'est l'érable. Ah oui, parce que moi, le sirop d'érable, là, si j'en ai pas dans ma vie, je me lave les cheveux avec du sirop d'érable. Ah, regarde-moi la chevelure, hein, c'est tout gommeux, c'est comme les chanteurs des années 50, là. Même les jeunes des années 50, Elvis des années... Tu sais, ça fait un cheveu, mais un beau cheveu bien pressé, là, bien collé, puis bien raide. C'est comme le punk. Le punk a compris ça avec... non, mais ça... Attends un peu, toi, là. Ça prend du jaune. Oui, du jaune, oui. Mais moi, j'ai du bleu. Non, du jaune. Tu sais, la poule, là. Ou la poule. Moi, non, je vais prendre l'enveloppe. Non, mais là... La bébête, là. C'est pas une bébête, c'est une poule. La poule, ça veut dire l'animal. Ouais. La rénale, c'est un animal précaire. Oui, mais la poule. La poule donne des œufs. Rénale n'est pas chanceux, ne peut pas en offrir. Que ce soit en or ou non, il peut pas, puis il veut pas, puis en même temps, ça doit s'évacuer, ça, puis on sait pas que ça peut faire mal. Et puis pourquoi la poule? Parce que le jaune, ça fait coller le cheveu. Ah! Bon, moi, je dirais à toutes les punks, arrêtez les œufs, parce que donnez à votre cheveu du sirop d'érable. Ouais, mais parce que le sirop d'érable, là, ça coûte cher. Ouais, mais ça coûte cher. Arrête d'acheter des disques. On les achète pas, les disques. Vous les volez pas, j'espère. Mais non, on les fait. On est des groupes de punks, on les fait, les disques. Ah, je pas, toi. Pas fâché. C'est quand on ouvre l'album, là, quand on offre le premier disque, on affirme notre présence et surtout notre formalité. Nous sommes des punks. Tu sais, la musique classique, c'est quoi? C'est, on entend, tu sais, les gens qui s'accordent pendant à peu près 2-3 minutes. Ça, c'est le violon. Puis là, c'est un décorum. D'autres époques, c'est... C'est une façon de faire. Quand le public est là, s'ils n'entendent pas ça, ils se sentent inconfortables. And an angel's kiss and spray. My summer wine is really made from all these things. I walk in towns on silver spurs and jingle too. Just for you. She sold my silver spoons and said, "Let me some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kissing." Really made from all these things. Take off your père suivait en chantant la route qui mène à Santan. La mort lui fit au coin d'un bois le coup. Du père François l'avait donné de son vivant tant de bonheur à ses enfants qu'on fit pour lui en savoir gré tout pour l'enterrer. Et l'on courut à toutes jambes qui rirent une bière, mais comme on était léger d'argent, le marchand nous reçut à bras fermés. Chez l'épicier, pas d'argent, pas d'épices. Chez la belle Suzon, pas d'argent, pas de cuisses. Les morts de basse condition, c'est pas de ma juridiction. Or, j'avais hérité de grand-père une paire de bottes pointues. S'il y a des coups de pied quelque part qui se perdent, celui-là touche à son but. C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre. Ah, c'est pas joli, ah, c'est pas poli, ah, une fesse qui dit merde à l'autre. Bon papa, ne t'en fais pas, nous en viendrons à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond. Le mieux à faire et le plus court pour que l'enterrement suivît son cours fut de borner nos prétentions à une bière d'occasion. Contre un pot de miel, on acquit les quatre planches d'un mort qui rêvait d'offrir quelques douceurs à une âme sœur. Et l'on courut à toutes jambes quérir un corbillard, mais comme on était léger d'argent, le marchand nous reçut à bras fermés. Chez l'épicier, pas d'argent, pas d'épices. Chez la belle Suzon, pas d'argent, pas de cuisses. Les morts de basse condition, c'est pas de ma juridiction. Ma botte partie, mais je me refuse de dire vers quel endroit. Ça rendrait les dames confuses et je n'en ai pas le droit. C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre. Ah, c'est pas joli, ah, c'est pas poli, ah, une fesse qui dit merde à l'autre. Bon papa, ne t'en fais pas, nous en viendrons à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond. Le mieux à faire et le plus court pour que l'enterrement suivit son cours fut de porter sur notre dos le fût. Nèbre fardeau, s'il eût pu revivre un instant, grand-père aurait été content d'aller à sa dernière demeure comme un empereur. Et l'on courut à toutes jambes tirer un goupillon, mais comme on était léger d'argent, le marchand nous reçut à bras fermés. Chez l'épicier, pas d'argent, pas d'épices. Chez la belle Suzon, pas d'argent, pas de cuisses. Les morts de basse condition, c'est pas de ma bénédiction. Avant même que le vicaire ait pu lâcher un cri, je lui botté le cul au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est depuis ce temps-là que le bon apôtre. Ah, c'est pas joli, ah, c'est pas poli, ah, une fesse qui dit merde à l'autre. Bon papa, ne t'en fais pas, nous en viendrons à bout de tous ces empêcheurs d'enterrer en rond. Aimez-vous le disco? Madame Thibault, t'aimes-tu ça le dernier jour du disco? Ben voyons donc, Madame Thibault, chantez pas comme ça, comme un taulon. Madame Thibault, dansez un peu comme un tango. Le dernier jour du disco, c'est-tu beau le disco? C'est la fin, le tout dernier matin. C'est la fin. Les statues, les reins coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas. On dit dans le milieu qu'il a mis ça à sa sauce. C'est pas de la sauce béchamel, non, c'est de la sauce piquante. Et ça donne une chanson qui s'appelle « On jase de toi », version Jérôme 50, qui est 100 fois meilleure que la version originale. La preuve. On a jasé ton père pis moi, pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé. Tu foxes tes cours, t'as commencé à fumer. Peux-tu même dire qu'est-ce qu'on veut faire de toi? Des amis, c'est pas des gens à fréquenter. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Puis surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Qu'est-ce qui est devenu le beau linge qu'on t'a payé? On dirait que tu sais plus comment t'accoutrer. Quand tu t'habilles en rock à wear sa grande allée. Hey boy. T'écoutes plus tes records de Danny Bédard. T'écoutes juste du jeune loup pis du Hubert Lenoir. Pis ta musique du diable, mais tu l'écoutes trop fort. L'autre jour on t'a pogné les culottes baissées avec la petite Julie, ça se passait à OD. Faut pas faire ces choses-là devant la caméra. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Puis surtout c'est que les voisins commencent à jaser. Je la rencontre régulièrement, Marie-Do Fréval, qui est une femme de théâtre, une femme de mots, une anarchiste, une alter ego. Alors, voici Madame Marie-Do Fréval. Elle a l'œil vive, la fesse fraîche et le sein arrogant. L'autre sein, l'autre œil et l'autre fesse y tout également. Mais ça n'est pas monotone, et même quand c'est l'automne, je m'écris en la voyant, tiens voilà le printemps. Marcel, si j'avais des ailes, je volerais grâce à elle. Marcel, vers la plus belle des jouvencelles, celle qui a pris mon cœur, ta petite sœur. Poum poum, je poserai sur sa bouche un baiser farouche, puis je baisserai les stores à cause des mouches. Pourquoi cet œil noir, Marcel? J'ai pourtant fait la vaisselle. N'aimerais-tu pas ta sœur? N'as-tu pas de cœur? Marcel, j'ai fait la vaisselle, j'ai descendu la poubelle. Marcel, j'ai mis du sel au vermicelle. Quoi que mieux les nouilles au beurre, moi je préfère ta serre. Poum poum. Troisième guerre mondiale.

J'ai des petits outils. Alors, c'est mon téléphone maintenant, je peux parler dedans. Ah oui, oui, oui. J'adore oui, ça. Ah oui, c'est bien ça. Et j'ai plein de pense-bêtes différents, de tas de choses. Alors, t'arrêtes pas. Marino, je suis excité de base. Heureuse. Ah ben oui, effectivement. Mais heureux de t'avoir revu encore. C'est toujours un plaisir. Extraordinaire. Tu es toujours surprenante, intéressante. Merci. Oh, merci à toi. À la foyeuse. Ouais. On va prendre des photos. Yes. Reste bon. T'as des choses à faire, mais les clés, est-ce que tu vas t'en... Non, ça y est, c'est réglé. Ok, ah, oh, ok. Non, non, là, ça va. Après, okay. Maintenant, je suis cool. Ah, bon. T'as-tu des choses à faire aujourd'hui, oui? Non, okay. Non, non, là, ça va. Fait que tu vas relaxer. Et toi, tu veux manger ou pas? Oh non, non, mais moi, j'ai une autre rencontre. Ah, t'as une autre rencontre. Dans 15 minutes. Ah, ça ok. Mais la prochaine fois, on dînera ensemble. D'accord. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Puis on parle en mangeant, c'est ça parfait. Merci Marie. Puis je m'occupe de payer ton café. T'es sûr? Ben oui, ben voyons. Mais moi j'ai l'indemnité de la SACD, hein. Donc c'est moi cette fois-ci qui paye. Ah ben merci. Ben oui. Ok, tu prends ça sur ta. Ah ben mon dos, c'est cool. Ah ben c'est cool. Tu vois. Eh ben. Tu demandes une facture et puis t'es repayé? Non. Non, non, non, non, je vais payer. Non, c'est moi. J'ai dit que c'était moi. Il faut pas, non, il faut pas répliquer, hein. OK, merci. Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar. Pas encore Igor, il dort, mépris de son oreille. Merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté. Tic-tac, tic-tac, tac-a-tic-a-quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocu qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocu, tac-a-tac-a-quitté. Et quitter ton quartier, tac-a-tic-a-quitté. Ta tactique était toc, ta tactique était toc. Tac-a-tic-a-quitté, ôte ta toque et troc. Ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. On t'attend t'attaquer contre ta cocotée. Côté des catins, des catitas, qui n'est un coquin, coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait tant piquant, tout un tas de tickets, de quai, quand tout à coup, tic-tac, tic. Oh matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.